Chapitre 17e. Celui-ci, cependant, semblait de moins en moins disposé à se départir de sa surveillance. Plus Savary faisait d'efforts pour l'éloigner, plus il se cramponnait à sa place habituelle dans le salon de Madame Vidal. Pourquoi agissait-il ainsi? Prenait-il donc au sérieux son rôle de parent ou de tuteur? Un mari soupçonneux, un amant jaloux, qui ont le plus grand intérêt à rester auprès de la femme aimée, s'éloigne quelquefois. Lui, au contraire, à qui le simple bon sens, à qui son propre intérêt, ordonnait de s'éloigner, persistait à rester toujours. Subissait-il donc, comme Savary, l'influence magnétique de Julia? Et auprès d'elle, oubliait-il qu'il n'était qu'un simple agent de police, délégué par la préfecture, pour éclairer la justice sur la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu? Un jour, pourtant, Savary résolut de voir Julia Vidal, sans être gêné par la présence de Vibert. Il donna, comme d'habitude, rendez-vous à ce dernier, mais au lieu de le rejoindre à l'hôtel des Princes, il se rendit directement rue de Grammont. Marietta vint prévenir sa maîtresse que Savary était seul et qu'il demandait à être reçu. Julia eut un moment d'hésitation, puis il s'arma de courage, embrassa Marietta et rejoignit Albert Savary. Peut-être pensait-elle aussi qu'il était temps d'en finir avec une situation devenue intolérable, et avait-elle déjà compris que Vibert, loin de la servir, nuisait à ses desseins. Lorsqu'elle entra dans le salon, elle était, comme d'habitude, vêtue de deuil. Suivant la mode italienne, un grand voile de dentelle, retenu derrière la tête par des épingles en jet, couvrait la moitié de ses cheveux et retombait sur ses épaules. Cette toilette, entièrement noire, l'agrandissait encore, développait son admirable poitrine, amincissait sa taille déjà si fine et donnait à sa démarche une gravité, un charme souverain. Savary la regardait, l'admirait et n'osait plus parler. Cet homme, qui n'avait eu jusque-là aucune timidité, qui s'était permis toutes les hardiesses, qui avait eu pour principe qu'en amour il faut brusquer les dénouements et que les femmes s'éprennent seulement des gens téméraires, tremblait depuis que Julia l'avait rejoint, sentait son cœur battre à se briser et ne se rappelait plus aucune des phrases qu'il avait préparées pour la séduire. Elle comprit la première, ce que ce silence avait d'embarrassant, et elle lui dit « Qu'avez-vous fait du comte ?»« Je pensais le trouver ici, » répliqua Savary. « Je croyais au contraire vous avoir entendu lui donner rendez-vous à son hôtel. En effet, mais j'étais en retard, et j'ai cru qu'au lieu de m'attendre, il viendrait vous rejoindre. Est-ce que je vous gêne, madame ?»« Moi, pas le moins du monde, » fit-elle avec nonchalance. « Je suis heureux du reste, madame, » dit-il, « de l'occasion qui se présente de me trouver seul un instant avec vous. »« Avez-vous à me parler ?» demanda-t-elle simplement. « Oh oui, j'ai bien des choses à vous dire, » s'écria vivement Savary. « Je vous écoute, monsieur. »« Monsieur, monsieur. »« Vous m'appellerez donc toujours monsieur, » dit-il avec tristesse. « N'est-ce pas l'expression convenable ?» demanda-t-elle en feignant de ne pas comprendre. « Alors apprenez-moi ce qu'il faut dire. Je ne suis pas familiarisé avec toutes les souplesses de la langue française, et je n'en veux pas à ceux qui me reprennent. »« Je n'ai pas à vous reprendre, » fit Savary. « L'expression est convenable et n'a rien qui doive choquer. » Puis, se levant tout à coup, « Ah, pardonnez-moi, madame. Je suis nerveux, agité, inquiet, pardonnez-moi. »« Je vous pardonne, » fit-elle en souriant. « Mais m'apprendrez-vous le motif de cette agitation ?» Il se rapprocha vivement de Julia, s'assit à ses côtés et lui dit « Vous ne comprenez pas ?»« Quoi ? » demanda-t-elle. « Vous ne comprenez pas qu'on ne peut vivre impunément auprès de vous pendant plus de 2 mois ? Qu'il est dangereux pour la raison d'un homme de vous voir sans cesse, de vous entendre, de respirer le même air que vous, qu'enfin... » Il allait continuer. Mais il leva les yeux sur elle et s'arrêta. Il y avait dans le sourire de Julia une expression étrange. Son front s'était plissé, ses joues avaient pâli, son regard était glacial. Avec son courage habituel, elle n'avait pas hésité à courir au devant du danger, mais elle avait trop présumé de ses forces. À la première déclaration, au premier mot d'amour, qui échappait à Savary, elle se révoltait. Toutes les pudeurs de la femme, toutes les délicatesses de la femme honnête s'étaient éveillées. Quoi ? C'était à elle qu'on osait parler d'amour, à elle, dont le mari venait à peine de mourir, et c'était celui qu'elle soupçonnait de cette mort, celui... Ah, elle n'avait pas prévu ce qu'elle devait souffrir. Ils gardèrent longtemps le silence, lui, effrayé, elle, froissée, meurtrie. Peu à peu, cependant, la physionomie de Julia s'éclaircit. Elle passa la main sur son front, comme pour en chasser une idée importune. Elle parut prendre une résolution énergique et se tourna vers Savary, qu'elle regarda en face. « Alors, vous m'aimez ?» lui dit-elle. Il ne s'attendait pas à ce genre d'attaque. Au courroux qu'avait manifesté Julia, il croyait qu'elle allait lui ordonner de changer de conversation, de se taire, ou peut-être de se retirer. Elle reprenait, au contraire, la phrase où il l'avait laissée. Elle complétait sa pensée et lui venait en aide. Elle lui lançait une provocation au lieu de lui dire adieu. Mais remis de son premier étonnement, il voulut profiter de l'occasion qu'on lui offrait de parler d'un amour qui lui tenait tant au cœur. Si Julia était la femme des grandes résolutions, Savary, de son côté, savait être énergique. Par un brusque mouvement que Madame Vidal ne put prévoir, il s'empara de ses mains et, la regardant comme elle l'avait regardée, l'attirant vers lui pour qu'elle l'entendît mieux, il s'écria « Oui, je vous aime, comme je n'ai jamais aimé, comme je me croyais incapable d'aimer. Vous êtes mon premier, mon seul amour. Si vous saviez comme je dis vrai, comme je suis malheureux loin de vous, et quel est mon bonheur lorsque je vous vois. La première fois que vous m'êtes apparu, il m'a semblé que je n'avais jamais vu une femme aussi belle. Oui, il n'y a pas de beauté qui vaille la vôtre. On trouve en vous toutes les perfections, tous les charmes, toutes les distinctions, toutes les splendeurs. Moi, qui me croyais si fort, si invulnérable, mort à tous les étonnements et à toutes les admirations, j'ai tout de suite compris quel empire une beauté comme la vôtre pouvait exercer sur moi. Je me suis juré de ne pas vous revoir, de vous fuir. Ah, je n'ai pas pu. Il m'a conduit ici, lui. Il s'est fait mon compagnon. Il m'a ordonné de vivre à vos côtés. J'ai obéi. Mais je savais ce qui m'attendait. Je savais qu'auprès de vous, je perdrais le repos et la volonté, que je vous aimerais ardemment. » L'étreinte de Savary devenait trop vive. Il regardait Julia d'une façon trop passionnée. Elle n'eut pas le courage d'en supporter davantage. Il dégagea ses mains des siennes, se leva, fit deux pas en arrière et s'accoudant sur le marbre de la cheminée. « Ai-je encouragé votre amour ?» demanda-t-elle. « Non, jamais, » répliqua-t-il. « Ni par un mot, ni par un regard, et c'est ce qui m'a perdu. Ah, si vous connaissiez ma vie. Si vous saviez quelle femme j'ai eu affaire jusqu'à ce jour. Quelle facilité dans les relations, quelle facile victoire. Comme on en arrive vite à se fatiguer de toutes ces liaisons qui se ressemblent, quel que soit le monde où on les contracte. Ah, vous m'avez demandé si vous m'aviez encouragé, et j'ai répondu que non. Je me rétracte, oui. Vous m'avez encouragé, ou plutôt, jamais femme, à son insu, ne s'est montrée plus coquette avec moi. Vous n'avez pas compris que votre silence obstiné, votre froideur, était autant de provocations. Je voulais lutter, je voulais vaincre, je le veux encore. » Savary n'était plus l'homme que nous avons vu se débattre avec tant de calme et de sang-froid contre une accusation capitale dans le cabinet du juge d'instruction. Le sang colorait ses joues, ses yeux exprimaient tout ce que disaient ses lèvres, le mouvement, l'animation étaient répandus sur son visage et lui prêtaient un charme inouï. Pour la première fois de sa vie peut-être, Albert Savary vivait. La passion l'avait métamorphosé, elle l'avait fait d'un homme froid, maître de lui, adroit et souple, un être ardent, irréfléchi, jeune et fort. Il allait continuer à ouvrir son cœur tout entier lorsqu'on annonça Vibert. Un coup d'œil suffit à l'agent de police pour embrasser la scène et comprendre la situation. Son front se plissa, une imperceptible pâleur se répandit sur son visage, mais il s'avança vers Julia, le sourire sur les lèvres, lui demanda de ses nouvelles et se tournant vers Savary. « Eh bien, lui dit-il en affectant de la bonne humeur, vous êtes ici ?» tandis que je vous attendais à mon hôtel. » Savary répéta ce qu'il avait déjà dit à Madame Vidal et son explication parut satisfaire Vibert. Mais lorsque celui-ci voulut parler de choses indifférentes, du temps qu'il faisait, des bruits qui circulaient, Savary, encore sous l'empire des pensées qu'il venait d'exprimer, ne se sentant pas le courage de soutenir une conversation banale, se leva, prétexta une affaire pressante et prit congé. « N'oubliez pas que nous dînons ensemble !» cria Vibert. « Rendez-vous à 7 heures au café anglais. » Savary, qui sortait, se retourna. Il cherchait un nouveau prétexte pour refuser cette invitation, lorsque, par hasard, son regard se porta sur Julia. Toujours appuyé contre la cheminée, un coude sur le marbre, la tête dans la main, semblant perdu dans ses réflexions, elle lui parut plus belle que jamais, et il n'eut pas la force de se priver de la revoir dans la soirée. « C'est entendu, » dit-il, « je me trouverai au rendez-vous. »